Chapitre 2e. Madame d'Aigues-Mortes venait en effet de descendre à l'entrée de la cour. C'était une femme élancée, blonde et blanche, qui avait dans la physionomie un mélange singulier de coquetterie et de hauteur. Déjà, madame de Carnavron se précipitait au-devant d'elle, étonnée de ne pas voir ses deux filles cadettes, mais suivies d'Hortense. Le cocher endimanché et raide sur son siège, regardait avec un air de tristesse et de fierté les deux chevaux tout blancs d'écume qu'il avait poussés pour faire honneur à sa maîtresse. Esther et Charlotte apparurent alors au sommet du petit perron. « Hâtez-vous, voici votre sœur !» leur cria madame de Carnavon, presque irritée, et elle entraîna madame d'Aigues-Mortes dans le salon où une collation avait été préparée. Clotilde était de ces personnes à qui la nature et le hasard ont tout prodigué, et auxquelles, par conséquent, on accorde tout. C'est comme un droit qu'elles tiennent de leur bonheur. Elle était née jolie et heureuse, jamais de maladie, ce qui faisait que lorsqu'elle avait une indisposition passagère, il semblait que ce fût une injustice dont elle était victime. Certains êtres naissent privilégiés, comme si les fées de la légende s'étaient réunies autour de leur berceau pour leur aplanir la vie. Ils ne connaissent point les larmes et ne se déchirent pas aux épines. Destinée à n'avoir qu'une mince dot engagée dans une terre qui la gardait comme un avare son trésor, Clotilde s'était tout à coup trouvée riche par la grâce d'un souvenir in extremis, un parrain opulent, qu'il avait à peine vu 3 ou 4 fois en 10 ans, l'ayant institué sa légataire universelle. Un homme élégant, encore jeune, qui avait passé par la diplomatie, se présenta à point nommé pour associer une grosse fortune naissante et la tirer du Courtil. Elle prit sa volée vers Paris, nullement surprise de ce coup du sort qui lui ouvrait à 2 battants les portes d'un monde où ses sœurs ne devaient point entrer. Plus tard, il lui sembla naturel qu'elle restasse dans l'ombre, comme il lui avait paru légitime qu'elle prît sa place dans la lumière. Cependant, polie et bien élevée, elle ne cessa pas d'entretenir avec elle une correspondance intermittente où elle les aimait en jolies phrases bien tournées. Madame de Carnavon en prenait texte pour s'extasier sur sa bonté. « Mon Dieu, que je suis lasse !» s'écria madame d'Aigues-Mortes en se laissant tomber sur le grand fauteuil que sa mère avait poussé vers elle. Dans la même semaine, 2 bals, un concert, 3 ou 4 sauteries, un déjeuner dansant, et je ne sais combien de promenades, sans parler des dîners auxquels on m'invite tous les soirs. Cannes me tuera. Pauvre chère, comment tu fais pour nous venir voir? Vite, Esther, un coussin sous les pieds de ta sœur. » Esther prit le coussin et se courba pour le glisser sous les pieds finement chaussés de Clotilde. « Merci, petite, » murmura madame d'Aigues-Mortes, à qui sa mère présentait de beaux fruits et des gâteaux sur une assiette. Madame d'Aigues-Mortes les repoussa d'un geste de lassitude sans y toucher, et s'adressant à Hortense, qui s'empressait autour d'elle, « Tu dois avoir liquidé les comptes de la dernière récolte. Est-ce qu'il ne me revient pas quelque petite chose pour ma part? Pourras-tu me remettre cela tout à l'heure ?»« Certainement. La somme qui t'appartient est en or dans mon tiroir. Voici mes clés, Charlotte. Va les chercher. » « Êtes-vous heureuse d'avoir ainsi toujours de l'argent prêt ?» s'écria Clotilde. « Il n'y a peut-être pas 2 louis dans ma bourse. Ai-je bien fait de venir ? Si vous saviez ce que c'est qu'un château. Une villa qu'on loue pour sa santé, 5 ou 6 chevaux, un domestique nombreux, des voyages, le monde qui vous impose une dépense effroyable en toilette, les réceptions de l'hiver, que sais-je, moi ? On a beau être riche, c'est comme si on était pauvre. Ah, j'ai bien souvent envié le repos dont vous jouissez au Courtil. » Elle soupira. « Veux-tu changer ?» dit Charlotte qui revenait une petite bourse à la main. « Pauvre sœur, » répondit Clotilde d'un air doux, « ta santé n'y résisterait pas. » Charlotte s'approcha d'Esther et se penchant à son oreille. « Tu sais qu'elle partira avant le coucher du soleil, donc si tu veux parler, ne perds pas trop de temps. » Esther profita d'un moment où madame d'Aigues-Mortes, rafraîchie et reposée, se promenait à pas lents sous une treille pour s'ouvrir à elle du projet qui la concernait. Au premier mot, sa sœur l'arrêta et ralentissant sa marche paresseuse, « Que me dis-tu là? Une dot ?»« Alors ce monsieur qui te veut pour femme ne te prend donc que pour ton argent ?» Elle se tourna vers sa mère qui la suivait, faisant admirer à Hortense la grâce et le bon goût de ses ajustements et l'interpellant avant même qu'Esther eût pu lui répondre. « Je croyais à cette chère enfant plus de fierté, » reprit-elle. « Comment ? elle écoute les propositions d'un homme qui parle de dot avant même de s'être présenté. Mais jamais, quant à moi, je n'aurais consenti à épouser M. Descmores s'il avait soulevé une pareille question. « Ah, ma chère, réfléchis, c'est une injure qu'il te fait. » Esther interdite essaya de répliquer. Clotilde interrompit. « J'aurai cette somme de 40 000 francs à ma disposition, je n'en ai pas le premier centime, que M. Descmores, qui a le sentiment de toutes les délicatesses, s'opposerait formellement à ce que je t'en fisse l'abandon. » « Je n'ai pas cru devoir faire aucune observation à Esther. Je l'ai laissée à son libre jugement, » dit Madame de Carnavon. « Alors il t'a mal inspirée, ma mignonne. Ne parlons plus de cela, veux-tu? Dans ton propre intérêt, par respect pour ta dignité, c'est par un refus catégorique que tu dois répondre. Il est de ces procédés qui dévoilent un homme. »« Que te disais-je ? » murmura Charlotte à l'oreille d'Esther. Madame Descmores, embrassée, choyée, bien enveloppée d'un manteau dont on dépouilla Hortense pour la couvrir, accablée de remerciements pour la peine qu'elle s'était donnée, repartit bientôt dans la calèche qu'on avait bourrée de paniers de fruits choisis par les meilleurs et les plus beaux. Il ne fut plus question du mariage d'Esther. Dans la soirée, et contrairement aux habitudes de la maison, Esther et Charlotte, qui avaient eu la même pensée sans se la communiquer, se rencontrèrent dans le jardin, où, quelques heures auparavant, une conversation les avait réunis déjà. Elles se dirigèrent vers le petit banc, où l'ombre des chênes les protégeait et d'où leur voix ne pouvait être entendue. « Commences-tu à comprendre ?» dit Charlotte, dont le visage pâle apparaissait tout blanc aux clartés de la lune. « Oui, » répondit Esther, « et je le regrette. Pourquoi ? Il faut s'habituer à regarder les choses bien en face et les bien voir telles qu'elles sont. » Soit qu'on incline du côté de la révolte, soit qu'on penche vers la soumission. La révolte demande une énergie que je n'ai pas. Je me suis soumise. Tu avais donc une expérience personnelle de l'entretien que je viens d'avoir ? Hélas, oui. Un projet de mariage avorté m'avait laissé le cœur meurtri. Et en cela, j'étais plus atteinte que tu ne peux l'être, puisque, ne connaissant pas celui qui pensait à toi, tu ne perds rien en le perdant. Une impatience douloureuse me dévorait. Je sentais par une première épreuve que je n'arracherais jamais une parcelle de cette maigre dot enclavée dans l'enceinte du Courtil. Notre mère a ses idées là-dessus, et des idées qu'on a longtemps caressées se pétrifient et deviennent indestructibles. Une situation me fut offerte dans une famille russe que j'avais eu occasion de rencontrer ailleurs. La femme était aimable, le mari distingué et bon. Les jeunes filles qu'on voulait confier à ma direction, charmantes et gaies, tout me prouvait que j'aurais été accueilli comme une amie de la maison. De longs voyages, la vie animée, et dans un avenir certain, l'assurance d'être à l'abri de toute inquiétude. J'y voyais surtout le moyen d'échapper au milieu où j'étouffais, la possibilité de reprendre à l'espoir par l'oubli. Eh bien, et Madame Descmores, mes confidences faites à notre mère, Clotilde fut consultée. Elle se redressa. Cela l'étonnait qu'on pût songer à quitter le Courtil, où Hortense, devenant malade, tout le poids de l'administration retomberait sur une mère âgée qui avait usé ses forces à nous soigner. Je n'avais donc pas le sentiment de la reconnaissance. Et puis on n'avait jamais ouï parler d'une Carnavon en condition. Cela frisait le scandale. Moi, ma sœur, institutrice ou demoiselle de compagnie, il fallait que je fisse bien bon marché du nom que je portais pour descendre jusque-là. L'indignation lui faisait monter le rouge au visage. Elle parla sur ce ton pendant un quart d'heure. Ma mère hochait la tête en signe d'assentiment. Et toi ? Moi, j'écoutais. Je ne me croyais ni si ingrate, ni si coupable. Mais devant cette réprobation générale, je cédais. Oh, je ne veux pas me faire meilleur que je ne suis. Ce ne fut pas une pensée de dévouement qui m'inspira. Ce fut surtout un sentiment de lassitude. Une fatigue morale insurmontable, une sorte d'usure s'était faite en moi par une trop longue suite d'espérances avortées, de légitimes aspirations transformées sous le souffle desséchant des circonstances en chimères irréalisables. Mais mon âme découragée n'avait plus de ressort. « Eh bien, dis-je, j'écrirai à la princesse T. qu'elle n'ait plus à compter sur moi. » Madame Descmores m'embrassa. « À présent, je te retrouve, » me dit-elle. La place d'une fille bien née n'est-elle pas sous le toit qui abrite sa mère, son devoir de se dévouer au sien ? Madame de Carnavon avait des larmes dans les yeux, et regardant Clotilde, disait c'est un ange du bon Dieu. Le lendemain, on m'avait mise à la tête de la lingerie. Et depuis, j'y suis restée. Je ne pense plus, je cours. Charlotte étouffa un soupir et prenant la main d'Esther entre les siennes. Il y eut en moi pendant les premiers jours quelques tressaillements, comme on en voit sur une chair écorchée. Puis cette sensation première s'émoussa, et l'année ne touchait pas encore à son terme que j'en étais arrivé au renoncement. Elle pressa doucement la main de sa sœur. « Dieu fasse que tu ne connaisses jamais la pesanteur de ce mot. J'en porte le poids, et c'est pour cela que tu me vois toujours plier sur mon aiguille. » Une ombre de rougeur se répandit sur ses joues. Elle resta un instant silencieuse, puis de nouveau ouvrant ses lèvres décolorées. « Au fond de moi, il y a de l'engourdissement. Au-dessus de cet engourdissement, de l'indifférence. Tout glisse. Si tu arrives un jour à l'état où je suis tombé, je te plains. Mais pour réagir, pour lutter, je te l'ai dit, la force me manque. » Esther, émue, l'entoura de ses bras. Une larme, presque aussitôt séchée, mouilla les paupières de Charlotte. Voici la première fois depuis de longs jours que mon cœur bat, dit-elle en se laissant aller dans les bras qui l'entouraient. Un cœur qui bat dans le vide, cela fait mal. Mieux vaut le comprimer jusqu'à l'écrasement. Des sanglots soulevaient sa poitrine comme si elle eût vainement essayé d'en étouffer la violence. Sa force d'inertie semblait vaincue, et tout ce qu'il y avait en elle d'émotion contenue débordait. Puis enfin, l'apaisement se fit. Bientôt, elle écarta Esther par un mouvement d'une douceur extrême, et l'ayant embrassée tendrement, elle rentra dans son attitude résignée. « Laisse-moi dans cette mort volontaire qui me permet de ne rien regretter, » reprit-elle. « On n'accepte qu'à ce prix. » Toutes deux rentrèrent au Courtil sans plus parler. Esther oppressée, Charlotte encore palpitante. Le curé était à sa place, son mouchoir à carreaux sur ses jambes replètes, jouant au piquet avec Madame de Carnavon. « Vous vous êtes oubliée à causer, mesdemoiselle, » dit la mère en jetant sur ses filles un regard froid par-dessus ses cartes. « C'est la jeunesse, » répondit le curé. « Il faut bien un peu de bon temps à cet âge. » Charlotte s'assit devant la nappe d'autel et sans répondre, en continua les broderies. Esther se glissa derrière les rideaux et, silencieuse, regarda par la fenêtre ouverte. Plus tard, retirée dans sa chambre et la porte close, elle sauta sur son livre à serrure. « J'ai froid jusqu'au fond des os. Est-ce vraiment cela qui m'attend ? J'ai 20 ans. Le feu de la vie bouillonne dans mes veines, et c'est à cette mort lente, à cette mort de tous les jours, que je serai amené. Mais alors, pourquoi ces fleurs? Pourquoi ces étoiles? Pourquoi cette lumière? Pourquoi ces parfums que mes lèvres aspirent? Pourquoi ces rayons du matin où je me baigne? Pourquoi ce chant du rossignol qui me berce? Pourquoi la jeunesse? Elle m'enivre de promesses, qui ne seraient donc que des mensonges. Et que de choses cependant dans la transparence de cette nuit, dans les senteurs fraîches de ces herbes trempées de rosée, dans ce bruit harmonieux de la mer qui monte dans le silence. Il s'échappe de toutes ces merveilles un souffle qui embrase et gonfle mon cœur. Ah, rompre avec l'espérance m'est impossible. Je l'ai conservée dans la solitude, je la conserverai dans l'impuissance, et s'il faut qu'un jour elle m'échappe, c'est qu'une blessure m'aura frappé à laquelle je ne survivrai pas. Charlotte ne m'a pas tout dit. Mais certaines réticences, des mots échappés à ma mère dans le mouvement d'une conversation, ses aveux même à peine déguisés, m'ont fait deviner la vérité navrante. Madame de Carnavon, hélas, n'est-ce pas le nom que je devrais lui donner toujours, a 4 filles et un garçon. Elle n'a que 2 enfants, Madame d'Aigues-Mort et mon frère Jacques. Elle est reconnaissante à Clotilde de ce que tout lui a réussi. Elle est flattée dans son orgueil de patricienne déchue d'avoir une fille riche et baronne, qui va de pair avec les plus brillantes. On lui doit tout parce qu'elle a tout. À qui possède le superflu, ne faut-il pas l'inutile? L'autre part de son amour va à celui qui sera ici dans quelques jours. Jacques a le nom, et n'est-ce pas la coutume dans les vieilles familles du pays qu'on avantage les fils aux dépens des filles? Pour que le nom, qui sans lui s'éteindrait, revive dans des conditions qui puissent lui rendre une partie de l'éclat perdu, pourquoi ne serions-nous pas dépouillés? Déjà Hortense a consenti au sacrifice, et si j'ai bien compris ma mère, Charlotte penche vers une semblable résolution. Renfermée dans son travail et ses mornes méditations, un jour elle se laissera pousser vers le cloître. Elle ne fera que changer de silence. Ce mot de renoncement, dont elle désire que je ne mesure pas la profondeur et ne savoure point l'amertume, et qu'elle a prononcé tout à l'heure, n'est-il pas comme le son de la cloche qui annonce qu'une tombe va s'ouvrir? Une circonstance se présentera, un mariage peut-être, ou en l'accablant de flatterie, on obtiendra de l'opulente Clotilde qu'elle renonce en faveur de Jacques à sa part dans l'héritage commun. Il en aura quatre alors en comptant la sienne. Circonvenu, à bout d'espoir, lasse d'attendre, à mon tour ne céderai-je pas la cinquième, la dernière? À quoi bon d'ailleurs la défendre si je n'en tire aucune force? Si cette dot inutile est pareille à ces trésors que gardait un dragon fabuleux, ce n'est plus une chose, c'est un mot. Et mon triste lot sera-t-il semblable à celui d'Hortense avec son indifférence plate, ou tel que celui de Charlotte qui s'éteint dans un marasme muet voisin de la mort? La main d'Esther s'arrêta. Elle releva son front. Une glace posée en face d'elle lui renvoya son image. Elle vit de grands yeux bruns tendres et profonds, doux et lumineux, qu'ombrageait une frange de longs cils. Sur un front pur, une forêt de longs cheveux châtains à reflets d'or, dont les ondes épaisses s'enflaient autour des tempes, un nez fin aux narines frémissantes, un visage couvert partout d'une pâleur d'ambre. Peut-être pouvait-on lui reprocher au point de vue sculptural la plénitude des courbes, les rondeurs grasses du menton et du cou, la ligne somptueuse des lèvres qui s'entrouverait dans un sourire vermeil, mais la tristesse momentanée qui en éteignait les ardeurs et les volets d'une ombre ne parvenait pas à en effacer la vie débordante. Elle reprit la plume, et au bas de la page où l'encre séchait à peine, « Ah, rien n'y fait, » écrivit-elle. « Le souffle de la jeunesse me soutient, et malgré le cri de ma raison, j'attends encore et toujours, j'espère. »